Un train, une gare, La Ciotat. Cette semaine, on a maté l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat et on en parle tout de suite. Alors, ma flatte, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Un tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat de Louis Lumière. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Julie. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Antoine. Michael. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et Greg. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat de Louis Lumière, sorti en 1896 de 50 secondes. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. A train station. He's arriving, and he's arriving fast. Will you support the thrilling of a train? Arriving in a train station. This summer, the scariest train arrival you will never see. Train arrival in Ciotat Station. Ah là, je l'ai eu en VO malheureusement. C'est quoi le titre québécois? Alors du coup, c'est le titre original est en français. C'est un film français en même temps. Oui, c'est un film français. C'est un film. Et d'ailleurs, La Ciotat, à côté de ma ville d'origine, Marseille. Hein. Et oui, c'est tout à fait vrai. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Je vais commencer par Sarah. Alors écoute, moi j'étais contente parce que j'avais jamais vu de film des Frères Lumière. C'est ton premier des Frères Lumière. Exactement. Ah, il est bien. Faut commencer par celui-là de toute façon. Moi j'avais un coffret DVD avec tous les films des Frères Lumière. En Blu-ray. Ouais. Et moi ce que j'ai aimé, bon bah je vais un peu spoiler, mais je vais essayer de pas trop spoiler quand non, même. Non, non, pas trop, pas trop. Parce que bon voilà, ce que j'ai aimé c'est que j'ai trouvé que c'était un vieux film et qu'il faisait énormément écho à aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que t'es sur un quai, il y a un train qui arrive et d'un coup tout le monde s'agite, t'es un peu stressé, il faut trouver son wagon, etc. Et ça, bah, j'ai trouvé ça assez fort. Ouais, voilà. Donc j'ai vraiment, c'est j'ai bon, vraiment une aimé. Dimension sociologique. Intemporelle. Intemporelle. Julie. Exactement. Ben, moi je trouve ça pas mal, mais c'est. C'est chiant. T'as trouvé ça chiant, mais dis-le. Ouais, c'est t'as pas vu, chiant, t'as vu la version Director's Cut, non? Qui dure 3h30. Mais c'est. Ouais, bon bah. Voilà, bon, 50 secondes, ça va. C'est long quand même. Hein, il y a au moins 10 secondes en trop. Non, moi je me suis vraiment fait chier. Heureusement, j'ai utilisé la technique de Greg, je l'ai regardé en accéléré. Ouais, t'as bien fait. Hein. Greg? Bah moi j'aime pas les Frères Lumière. Hein. Franchement, tout ce qu'ils ont fait, ça m'a fait chier. L'avantage, c'est comme tu disais, c'est que ça dure que 50 secondes, donc tu vois, moi ça. Mais ça en fait 25. Ouais, donc, Michael. Bah moi je suis passé par toutes les émotions. Hein. Je suis passé du rire aux larmes. Alors moi je l'avais vu à sa sortie au cinéma. J'avais déjà adoré. Du coup j'ai invité les potes pour le regarder. Et bah évidemment on a fini tout sous le canapé. Enfin on a cru que le train nous arrivait dessus, c'était effrayant. Enfin c'était. D'ailleurs, alors... j'en profite pour te donner une petite anecdote. Il paraît que les gens étaient effrayés. C'est faux. Les gens n'étaient pas effrayés à l'époque. Ah bah moi j'ai été effrayé avec toi, mes amis. Oui. Bah, moi je vous dis mon avis. J'ai été hyper déçu. Déjà ça fait trop pas peur. J'ai cru que j'allais avoir super peur. On m'avait vendu un truc. Par contre, ça m'a vraiment transporté. C'est un train. Non, franchement, c'est. Enfin, il y a quand même un truc dingue de te dire que c'est des vraies images et que c'est pas des déguisements et que là, c'est vraiment hyper daté. Tu sais, on a l'habitude de voir des trucs d'époque. Souvent, c'est de la Seconde Guerre mondiale. On descend jamais plus bas. Et là, c'est ouf, quoi. Ils ont. Bah, c'est du western. Enfin, t'as vu les dégaines qu'ils ont et te dire. Ah ouais, c'est clair. Putain, c'est des vraies images. C'est dingue. Et enfin, je sais pas. 19e siècle. Du coup, j'ai vraiment voyagé dans le temps, aussi, toi. L'espace de 50 secondes. Non, ça dure. C'est un trip tout petit. Ouais. Qui résume l'histoire, là, Mickaël ? Je pense que tu veux y aller. Alors, si je comprends bien, donc c'est un train qui arrive, dans une gare. On ne sait pas trop s'il est en retard ou s'il arrive à l'heure. Il arrive dans une gare. Il n'y a pas de background. Il y a des, hein. y a des gens. Ouais, c'est vrai qu'on est un peu lancé dans l'histoire comme ça, on ne sait pas trop. Mais on est pris tout de suite. Comme on est pris tout de suite. Ouais. Alors, il y a des gens qui attendent. C'est pareil, tu ne sais pas s'ils viennent chercher quelqu'un, s'ils attendent le train. Il y a de l'action quand même. Parce que c'est pareil, on ne sait pas si c'est terminus. On sait pas si c'est terminus. Moi je pense pas. La Sosia c'est rarement terminus. C'est Marseille souvent. Ouais, ça passe par Marseille. C'est bien ce que je me disais. Bon, alors, et du coup le train arrive en fait. Il arrive dans la gare et à un moment il s'arrête. C'est incroyable. Et quand il s'arrête, les portes s'ouvrent. Il y a des gens qui descendent. Et qui montent. Et il y en a d'autres qui montent. T'étais attaché aux gens qui montent. Est-ce que ça t'a fait quelque chose? Ah bah non, mais quand j'ai vu Josiane partir, je peux dire que ça m'a déchiré le cœur. Moi aussi, ça m'a bouleversé. Le film s'ouvre donc sur un train qui arrive. Sur la locomotive de tête. Alors on voit d'abord passer la grosse loco. Alors au début, attends, déjà on voit le Kevin, on voit le train, il arrive avec de loin. Avec un chef de gare sur la droite. Ouais, il a un chef de gare sur la droite. Avec une moustache. Et alors il y a deux, je sais pas si vous avez remarqué, il y a deux qui sont sur le quai, une femme qui marche très proche des rails. Moi j'ai eu très peur. Hein. Ouais, ils sont très proches des rails alors que le train arrive. Il ne lui dit rien. Et puis c'est surtout que, là j'avance un peu déjà dans l'histoire, mais bon, c'est que elle marche très près des rails et elle a sa petite gamine. Elle a son enfant. Entre elle et le train. Hyper dangereux. Enfin, le gamin devrait être de l'autre côté. De l'autre côté, exactement. Ouais, mais alors moi j'ai vraiment un problème avec ce film, il faut que je vous en parle. C'est que je trouve qu'il y a très très peu de travail sur le son. Enfin, c'est vraiment, genre, très peu de dialogue. Ouais, et moi j'entendais très très mal. Hein. Alors il y a un petit rigolo qui a mis de la musique par-dessus, mais moi j'aurais voulu avoir les vrais enregistrements. Il y a quand même une performance aussi, c'est que moi ça me rappelle d'autres film, c'est que ça a été tourné en un seul plan séquence. Quoi. Ça c'est déjà une performance à l'époque. Quoi, tu alors, vois. Quid des acteurs, c'est-à-dire qu'à l'époque, je pense pas qu'une caméra, c'était très commun, et ils font tous vachement bien les figurants à pas mater la caméra comme des débiles, genre en mode supporter de foot, genre ou alors comme des lascars, genre il a le train. Mais moi, je soupçonne tous ces gens qui prennent le train à l'époque d'être un peu des bourgeois. D'ailleurs, il y en a une qui ressemble, qui est déguisée en indienne, on sait pas pourquoi, je sais pas si vous l'avez vu ça. Si, j'ai vu. Ouais. C'est pas remarqué. Il y en a une qui a des plumes sur la tête. Et tout. Ouais, ils ont des super dégaines western et tout. Le costume, c'est pas mal. Hein, ouais. Et alors, il y a un truc aussi, ça j'aimerais bien faire un point. Ça, on fait aussi ça dans la vie, c'est quand le train arrive, on marche avec le train quand il arrive. Bah, mec, si t'attends à la porte, il y a une chance sur deux qu'elle soit devant toi et à côté, mais pourquoi tu. Mais parce qu'ils vont vers leur wagon, ils sont sur le wagon de tête. S'ils sont sur le wagon de tête, comment ils font? Bah, t'en sais rien, c'est le wagon. Bon, j'en sais rien. Bah, tu connaissais pas leur billet, attends. Bon, alors, en tout cas, le train arrive dans la gare, il commence à ralentir et là, il s'arrête. Et alors là, les gens montent et descendent, c'est le coïbohu. Ce que j'aime bien, c'est la diversité de la foule. Il y en a qui sont un peu stressés, qui marchent vite. Il y en a qui sont tranquilles. Enfin voilà. Ouais. Il y a beaucoup de moustaches aussi. C'est vrai. Ouais. Pour l'époque. C'est très moustache la Ciotat. Moi, j'ai. Là, on est en quelle année là? 1890. Ah ouais, la Ciotat. Oh, bah, c'était hyper moustache. C'était le grand boom. C'est l'année de la moustache 96. Pour le... Moi, je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé voir le wagon de tête s'arrêter ou un truc comme ça. Tu vois. Enfin, tu vois, il y a un parti. La locomotive. Que... Il aurait pu placer sa caméra pour que tu vois le wagon de tête s'arrête et qu'on voit juste le wagon de tête. Non, lui il va vers les passagers quoi, tu vois. Alors c'est ça qui parlant de déception, il y a pas d'explosion. Il y a pas de déraillage de train, il y a personne qui meurt. Moi je me suis dit, il y a un mec qui va sortir un pistolet, je vais tirer dans les airs. Et les gonzesses elles sont quand même vachement habillées. Les quoi, miss elles sont super couvertes et ça c'est pas Puntos pour le film. Non, c'est clair. Mais ce qui passe, ça marchait quand même. Hein. On a fait un film dans 2 heures de perdu qui était un hommage à Sine. Est-ce que vous savez lequel c'est? Transpersonnage. Exactement. C'est un hommage à l'arrivée. Ah bah, c'est vrai qu'au niveau scénario, c'est la même chose. Hein. Ils ont rajouté quelques trucs quand même. Transpersonnage. Mais tu sais pas ce qui se passait dans ce train qui arrive à la Ciotat. Ça se trouve, il y a des sushis et il y a des violents manos, hein, tu sais pas. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film. T'as un extrait, non? T'as pas d'extrait pour moi? Non, j'ai pas. Ah bah si, tiens, j'ai un extrait. Voilà. Ça c'est un extrait de vers la fin du film. Il y a eu des versions où ils ont rajouté de la musique dessus. Hein. Je vous conseille de les regarder. Il y en a beaucoup. J'en ai vu une avec Slipknot. J'en ai vu une avec le Gaël Thème. Vraie anecdote. Il y a plusieurs versions de ce film avec plusieurs cadrages différents liés à l'usure du négatif en fait. Donc, ah du coup ça a été resserré au fur et à mesure et à la fin c'est un tout petit carré. Ah il avait fait plan d'ensemble, plan américain. Non il a pas fait plusieurs plans. Ah oui. Jusqu'au fur et à mesure il a réduit. C'est un mini carré, tu sais. C'est ça. Ouais. Quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur ce film? Non. Ouais, moi c'était pas si mal. Moi j'espère vraiment qu'il y aura un 2. L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, je pense. Ou un remake. Ça sent le 2. Non, ça pourrait être. Moi je sais pas. Ce que je pense, hein, peut-être que le 2, ce serait le départ du train. The train is back. Ou alors peut-être ce sera l'arrivée du train en gare de Marseille-Saint-Charles pour faire le terminus. Ouais, qui c'est la suite. Hein, c'est bah, le 2 sera moins bien, je pense. C'est toujours le premier le mieux. Ah, c'est du réchauffé. C'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Alors, j'ai 4 commentaires 5 étoiles sur la Ciotat et un commentaire 0 étoile. Quelqu'un qui n'a pas du tout aimé. On commence avec Julien L qui dit « Ce premier film de l'histoire du cinéma est incroyable. La netteté de l'image est incroyable pour l'époque. » La netteté de l'image. Et ensuite, on continue par Mas3RY. Un peu bizarre. Le tout premier film de l'histoire du cinéma, un chef-d'œuvre. Le film dure 55 secondes seulement, mais est une sacrée prouesse technique pour l'époque. Créé par les Frères Lumière en 1895, ce film demeure une légende dans le cinéma malgré sa vieillesse. Incroyable. PS, c'est un court-métrage, pas un film. Alors effectivement, à partir de 55 secondes, on peut parler de court-métrage. Hein. Le mec, à quoi ça sert? Ça énorme l'histoire du film. Merci, quoi. Ensuite, on a Django le fan qui nous dit... Certes, il n'y a aucune histoire. Bon, il tire un peu par les cheveux, même. Mais rien que de se dire que c'est un des premiers films des Lumières et que Méliès était là lors de la projection, c'est assez émouvant. Et les costumes sont très bien faits. Franchement, savoir que des gens... La maquette du train a vraiment été impeccable. Il finit par... Franchement, savoir que des gens qui sont tous décédés ont vu ce film, ça procure de l'émotion. Mais il est un peu tordu, ce mec. Ensuite, on a Crounia 3 qui nous dit « Ce film est tout simplement terrifiant. Historiquement, ce film est très intéressant. C'est le premier film de terreur. Les spectateurs, à l'époque, pensaient que le train allait foncer sur eux. 5 étoiles. » Et on finit par Daniel Océan & Co qui dit « Si l'inventeur du gramophone avait lâché un rond bien dégueulasse pour tester son appareil, vous auriez appelé ça de la musique ? Si l'inventeur de l'appareil photo avait immortalisé son cul pour premier cliché, vous auriez appelé ça de l'art ? Probablement. Probablement, quand je vois 4 étoiles de moyenne pour un putain de train qui rentre dans une gare, 0 étoile. » Bravo. J'adore quand ils sont terre à terre comme ça. C'était notre avis et celui des autres sur l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat. Quant à nous, malheureusement, on se retrouvera qu'à la rentrée prochaine. Eh oui, dans quelques semaines. Mais avec beaucoup de bonheur. Et avec tout le pognon de Londres, nous partons nous faire dorer la pilule à Boulogne-sur-Mer. À Berck. Voilà, et donc le film de rentrée sera sans doute une surprise. Ouais. Allez, à très bientôt. À bientôt. À la rentrée. Ciao. Profitez.